Page arrachée à la correspondance de Tolkien. Texte choisi et présenté par Vincent Ferré. Lu par Jérôme Kircher. Tolkien n'a jamais rien calculé. Il écrivait pour lui, pour ses enfants. Il inventait des histoires pour ses enfants. Reverendum a été publié par la suite, les lettres du Père Noël, le Hobbit, mais ce sont presque des accidents. Et également pour lui-même et en souvenir d'un serment qu'il avait fait à des amis qui sont morts à la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, à laquelle il a échappé, dont il a réchappé par miracle, en fait. Il écrivait des poèmes d'inspiration médiévale, anglo-saxonne, et il a d'abord écrit pour lui avant qu'un éditeur s'intéresse au Hobbit et passe commande, si on veut, du Seigneur des Anneaux. Et Tolkien a essayé à la fois d'honorer sa promesse, son contrat, et d'être fidèle à sa conception qu'il avait de la littérature. Et très souvent, lorsqu'il écrivait un poème, par exemple de 4000 vers, il le laissait de côté pour réécrire une version en prose. C'est vraiment un développement permanent d'une œuvre monde dont les écrits en fait prennent place sur des milliers d'années que compte ce monde inventé, la chronologie de ce monde inventé. Et Tolkien n'a pas particulièrement cherché, sauf à des moments clés de sa vie, dans les années 50 par exemple, à faire paraître son œuvre. Aujourd'hui, l'œuvre monde. Le détour par les lettres personnelles de Tolkien, qui montre le rôle joué dans la naissance de l'œuvre par des proches qui ont été ses premiers lecteurs, permet de revenir à l'œuvre. Vont être évoquées ici la naissance du récit pour enfants paru en 1937, Le Hobbit, son rapport avec la conception que Tolkien se faisait de la littérature de jeunesse, mais aussi la nouvelle Feuille de Nigel, reflet de la création et de ses risques. Dans cette lettre adressée à Auden le 7 juin 1955, Tolkien évoque la jeunesse du Hobbit, son premier récit publié presque par accident à la demande d'un éditeur, alors qu'il se consacrait depuis 20 ans à l'écriture des légendes elfiques du Silmarillion. Tout ce dont je me souviens à propos de la naissance du Hobbit, c'est que je corrigeais alors des copies du certificat d'études usées comme chaque année par cette éternelle besogne infligée aux universitaires impécunieux qui ont des enfants. Sur une page blanche, j'ai griffonné « Dans un trou vivant, vivait un Hobbit ». Sans savoir pourquoi, aujourd'hui encore. Je n'en ai rien fait pendant longtemps, et pendant des années, cela n'est pas allé plus loin que la réalisation de la carte de Tror. Mais c'est devenu le Hobbit au début des années 30. Avant d'être finalement publié, non en raison de l'enthousiasme de mes propres enfants, même s'ils l'appréciaient bien, mais parce que je l'ai prêté à celle qui était alors la révérente mère de Sherwell Hedge, alors qu'elle avait la grippe. Le Hobbit a, je crois, été testé sur le fils de l'éditeur Stanley Hanouin, sans qui, une fois devenu adulte, je pense que je n'aurais jamais pu faire paraître le Seigneur des Anneaux. En raison du succès du Hobbit, on a demandé une suite, et les anciennes légendes elfiques ont été refusées. Un lecteur de l'éditeur a estimé qu'elles contenaient trop de ce type de beauté celtique qui, à forte dose, rend fou les anglo-saxons. Sans doute à juste titre. En tout cas, j'ai moi-même constaté la valeur des hobbits en plaçant de la terre sous les pieds du romance et en proposant des héros dignes de plus d'éloges que les héros professionnels. Commencées en 1916-1917, les légendes elfiques ne seront jamais publiées du vivant de Tolkien. En décembre 1937, débute l'écriture du Seigneur des Anneaux, paru 17 ans plus tard, en 54-55, lorsque Tolkien aura trouvé un point d'équilibre entre la demande de son éditeur, sa conception du merveilleux et son goût pour les légendes anciennes. Malgré tout, je n'étais pas prêt à écrire une suite dans le sens d'une autre histoire pour enfants. J'avais commencé à réfléchir aux contes de fées et à leur rapport avec les enfants. Et j'en ai intégré quelques conclusions dans une conférence à St. Andrew que j'ai fini par développer et publier dans un essai sur les contes de fées. Ayant exprimé l'idée que le rapport établi par l'esprit moderne entre les enfants et les contes de fées est erroné, est fortuit et nuit aux histoires en elles-mêmes comme aux enfants, j'ai voulu essayer d'en écrire une qui ne soit pas du tout destinée aux enfants, les enfants en tant que tels. Et je voulais également une grande toile. Ça a naturellement demandé beaucoup de travail, car je devais établir un lien avec le Hobbit. Mais davantage encore de travail pour ce qui concernait l'arrière-plan mythologique. Et ça devait être également réécrit. Le Seigneur des Anneaux n'est que la partie finale d'une œuvre presque deux fois plus longue à laquelle j'ai travaillé entre 36 et 53. Et il fallait aussi s'occuper des langues. Si j'avais pris en considération mon propre plaisir plutôt que l'appétit des lecteurs potentiels, il y aurait eu beaucoup plus d'elfique dans le livre. Mais même les bribes qui s'y trouvent demandaient pour avoir un sens deux systèmes phonologiques et deux grammaires organisées, ainsi qu'un lexique développé. Tolkien précise ensuite la place des hobbits dans le récit, eux dont le pays d'origine apparaît au début du cycle comme à l'écart des grands événements qui se déroulent en Terre du Milieu, sans pour autant être un Éden. Car ils ont échappé à l'attention des grands ou des peuples civilisés qui possèdent des archives, et ils n'en ont pas eu eux-mêmes, mis à part de vagues traditions orales, jusqu'à ce qu'ils quittent les lisières de la forêt noire, fuyant l'ombre et errent vers l'ouest, entrant ainsi en contact avec les derniers vestiges du royaume de l'Armor. Les hobbits sont bien entendu vraiment conçus comme une branche du peuple spécifiquement humain. Ce ne sont ni des elfes, ni des nains. Par conséquent, les deux espèces peuvent vivre ensemble et sont simplement dénommés les grandes gens et les petites gens. Ils sont totalement dépourvus de pouvoirs non humains, mais ils sont présentés comme étant davantage en contact avec la nature, le sol, les autres êtres vivants, les plantes, les animaux, et inhabituellement pour des humains, dénués d'ambition ou de cupidité. Leur petitesse, un peu plus de la moitié de la taille humaine, mais ils rétrécissent au fil des ans, s'explique en partie par la volonté de démontrer la médiocrité de l'homme, du pur esprit de clocher, exempt d'imagination. Et surtout de mettre en évidence chez des créatures dotées d'un très faible pouvoir physique, l'héroïsme étonnant et inattendu des hommes ordinaires, quand il le faut. La comté est leur principale colonie, dont tous les habitants sont des hobbits, où une vie ordonnée et civilisée, quand bien même simple et rurale, est préservée. Elle constituait à l'origine les terres agricoles, les forêts du domaine royal de l'Arnor, qui furent accordées comme fiefs. Mais le roi, auteur des lois, a depuis longtemps disparu, sauf dans les mémoires, quand on commence à entendre parler de la comté. C'est en l'année 1341 de la comté que Bilbo le Hobbit, héros de ce récit, entreprend son aventure. Yahei, Yahari, Yahoi. Laurelin Dorean, Linde Lorendor, Malinor Nelion, Orne Malin. Arsnaz, Durbatuluk, Yahoi. Dans cette histoire, qui n'a pas besoin d'être prise ici, l'hobbitude et la situation hobbit ne sont pas expliquées, mais vont de soi. Et le peu qui est dit sur leur histoire l'est sous la forme d'allusions fortuites, comme à quelque chose de connu. L'ensemble de la politique mondiale est bien entendu présent dans mon esprit et il y est également fait allusion de temps en temps. Elrond, par exemple, est un personnage important, même si sa respectabilité, ses grands pouvoirs et son ascendance sont partiellement tus et non révélés complètement. Il y a des allusions à l'histoire des elfes, à la chute de Gondolin, etc. Les ombres et les maléfices de la forêt noire constituent, sur un mode de conte de fées atténué, l'une des parties majeures de l'aventure. Sur un seul point, cette politique mondiale joue un rôle dans le mécanisme de l'histoire. Gandalf, le mage, est appelé au loin pour des affaires importantes, pour essayer de s'occuper de la menace que constitue le nécromancien. Et l'insatie le hobbit seul au milieu de son aventure, sans aide ni conseil, le forçant à se débrouiller et à devenir héroïque à sa façon. La différence, globalement, du ton et du style adopté pour le hobbit est due au fait qu'au moment de la Genèse, j'ai considéré ce récit comme de la matière extraite du grand cycle, susceptible d'être traité comme un conte de fées destiné aux enfants. Je pense maintenant que, même d'après ce postulat, certains détails dans le ton et dans le traitement sont des erreurs. Mais je ne voudrais pas apporter trop de modifications. Car en somme, c'est une étude de l'homme simple et ordinaire, ni artiste, ni noble ou héroïque, mais non dépourvu de germes de tout cela, qui évolue dans un contexte sublime. Et d'ailleurs, comme l'a observé un critique, le ton et le style changent à mesure que progresse le Hobbit, passant du conte de fées au registre noble et sublime, avant de retomber avec le retour du Hobbit. La quête du dragon, thème principal du récit même du Hobbit, est tout à fait en marge du cycle général et accessoire, et ne lui est principalement connectée que par le biais de l'histoire des nains, qui n'est à aucun moment centrale dans ces récits, bien qu'elle soit souvent importante. Mais au cours de la quête, le Hobbit entre en possession apparemment par accident d'un anneau magique, dont le principal et seul pouvoir immédiatement évident est de rendre invisible son porteur. Bien que dans ce récit, ce soit un accident imprévu et ne faisant absolument pas partie d'aucun plan concernant la quête, il se révèle essentiel à la réussite de l'entreprise. À son retour, le Hobbit, qui a gagné en clairvoyance, en sagesse même s'il garde son parler, conserve l'anneau comme un secret personnel. À qui est destinée l'œuvre de Tolkien si elle contient des récits pour enfants comme Le Hobbit et des romans pour adultes comme Le Seigneur des Anneaux ? Deux lettres permettent de répondre à cette question. Dans la première, Tolkien s'explique sur le changement d'écriture entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux dû à l'évolution de sa conception des contes de fées. Lettre à Walter Allen du New Statesman, avril 1959. Lorsque j'ai publié Le Hobbit, dans la précipitation, et sans l'attention requise, j'étais encore influencé par la convention qui veut que les contes de fées sont naturellement destinés aux enfants, avec ou sans l'ajout de la plaisanterie stupide de 7 à 77 ans. Et j'avais moi-même des enfants. Mais le désir de m'adresser à des enfants n'avait rien en soi à voir avec l'histoire en elle-même ou avec la nécessité de l'écrire. Il a cependant eu des effets malheureux sur le mode d'expression et la méthode narrative que j'aurais corrigé si je n'avais pas été aussi pressé. Les enfants intelligents, possédant un goût sûr, il semble y en avoir un certain nombre, ont toujours distingué, comme des faiblesses, je suis heureux de le dire, les moments où le récit s'adresse directement aux enfants. J'avais pris le temps de réfléchir bien davantage à cette question avant de commencer à composer Le Seigneur des Anneaux. Et cette œuvre n'était pas destinée spécialement aux enfants ou à une autre catégorie de gens, mais à tous ceux qui aiment les longues histoires passionnantes, d'un genre que naturellement j'aime personnellement. sovante tu min fjorden ser du. Men nu är du hår vin vinu min. Man ti varla nokkur betur. En mitt öjma hjärta tetur. La la la la la la la la. Au long de la rivière, noire et rapide, retournez aux terres que vous connûtes un jour. Quittez les salles et les cavernes profondes, quittez les monts escarpés du nord, où la forêt vaste et obscure descend dans l'ombre grise et lugubre. Flottez au-delà du monde des arbres, dans la brise murmurante. Par-delà les joncs, par-delà les roseaux, par-delà les herbes ondoyantes du marais, au travers de la brume qui s'élève blanche, du lac et de l'étang la nuit. Suivez, suivez les étoiles qui montent dans les cieux froids et escarpés. Tournez-vous, quand l'aurore s'étendra sur la terre, sur les rapides, sur les sables, vers le sud et vers le sud. Cherchez le soleil et le jour, de nouveau vers les pâturages, de nouveau vers les prairies, où les baies se gonflent et s'emplissent sous le soleil, sous le jour. Vers le sud et vers le sud, au long de la rivière noire et rapide. Retournez aux terres que vous connûtes un jour. Comprend alors l'origine d'un malentendu sur cette œuvre. Le succès du Hobbit, qui s'est rapidement imposé comme un classique de la littérature de jeunesse, a orienté l'accueil du Seigneur des Anneaux paru 17 ans plus tard et modelé la figure de son auteur dans l'esprit de certains lecteurs. Son œuvre est pourtant extrêmement variée puisqu'elle contient des essais sur la littérature médiévale et sur le merveilleux, des poèmes, un dialogue dramatique d'inspiration médiévale proposant une méditation sur la guerre, une réécriture poétique des légendes nordiques de Sigurd, ainsi que des réécritures de la matière arthurienne. Sans compter les milliers de pages consacrées à la Terre du Milieu sous forme de récits ou de poèmes. Autant de textes édités et présentés depuis les années 70 par son fils Christopher Tolkien, textes animés par une réflexion permanente sur la création et la fiction. En témoigne la nouvelle « Feuille de Nigel », image de l'artiste à l'œuvre et du danger de ne pas finir. Dans une première lettre, Tolkien explique qu'il ne compose d'ordinaire qu'avec grande difficulté et en réécrivant sans cesse. Pour Feuille de Nigel, étrangement, il dit « Je me suis réveillé un matin, avec en tête cette chose étrange presque achevée. Il n'a fallu que quelques heures pour la mettre par écrit, puis la recopier. » Je n'ai, que je sache, jamais pensé à cette histoire ni ne l'ai composée au sens ordinaire du terme. La lettre suivante, adressée à sa tante Jane Neave en septembre 1962, évoque le goût de Tolkien pour les arbres, qui l'amène à parler en termes vifs d'une voisine qu'il considère pourtant comme une femme formidable et courageuse. Il y avait un très grand arbre. Un immense peuplier avec de vastes branches que je pouvais voir de ma fenêtre, même lorsque j'étais dans mon lit. Je l'aimais beaucoup et je me souciais de lui. Il avait été sauvagement mutilé quelques années auparavant, mais de nouvelles branches avaient courageusement repoussé, sans toutefois qu'elles aient bien entendu la grâce sans défaut de son être naturel d'avant. Et voilà qu'une voisine, folle, s'est mise à faire campagne pour le faire abattre. Tout arbre a son ennemi. Peu d'entre eux ont un défenseur. Trop souvent, la haine est irrationnelle. Peur de ce qui est grand, vivant, et que l'on ne peut soumettre ou détruire facilement, même si cette haine peut se revêtir de termes pseudo-rationnels. Cette folle disait qu'il coupait sa maison et son jardin de la lumière du soleil, et qu'elle craignait pour sa maison si un grand vent le faisait jamais tomber. Il se trouvait à l'est de sa porte d'entrée, de l'autre côté d'une large route, à une distance presque trois fois supérieure à sa hauteur totale. Et bien sûr, je me souciais aussi, moi, de mon arbre intérieur à moi, le Seigneur des Anneaux. Il se développait sans contrôle et révélait sans cesse de nouveaux aperçus. Et je voulais le terminer. Mais le monde était menaçant. Et j'étais complètement bloqué, quelque part aux environs du chapitre 10, et je ne savais pas comment continuer. C'est seulement lorsque Christopher m'a été enlevé et envoyé en Afrique du Sud s'entraîner dans la Royal Air Force que je me suis obligé à écrire le livre 4 qui lui a été envoyé par bout. Nous étions en 1944. Je n'ai achevé le premier G qu'en 1949, où je me rappelle avoir taché les pages de mes larmes tandis que j'écrivais. J'ai ensuite tapé moi-même l'ensemble de cet ouvrage, ces 6 livres, puis une nouvelle fois, lors de sa révision, pour l'essentiel sur mon lit, dans le grenier de la minuscule maison mitoyenne dans laquelle la guerre nous avait exilés, chassé de la maison dans laquelle ma famille avait grandi. C'est en la replaçant dans l'œuvre considérée dans son ensemble que l'on peut mieux comprendre l'entreprise du Seigneur des Anneaux. Dans une lettre adressée à Auden en 1963, Tolkien évoque la lente genèse du roman qui est allé de pair avec une reprise par intermittence du travail sur les légendes du Silmarillion, dont les premières versions remontent à 1916-1917. Tolkien mentionne les personnages et les événements appartenant à la fiction comme s'ils étaient vrais. Pour lui, les récits merveilleux doivent parvenir à une forme de vraisemblance pour révéler au lecteur la complexité du monde réel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il n'y avait souvent pas de temps à consacrer à des activités rationnelles. Je suis resté bloqué pendant une éternité à la fin du livre 3. Et j'ai écrit le livre 4 sous forme de feuilleton et je l'ai envoyé à mon fils, soldat en Afrique, en 1944. Les 2 derniers ont été écrits entre 1944 et 1948. Cela ne signifie pas, bien sûr, que l'idée centrale de cette histoire est un produit de la guerre. Elle était vraiment là, présente en germe, depuis le début. Même si je n'avais pas idée, consciente, de ce que le nécromancien représentait, hormis le mal toujours récurrent, dans le Hobbit, ni de son rapport avec l'anneau. Mais si l'on voulait repartir de la fin du Hobbit, je crois que l'anneau était un choix inévitable pour faire le lien. Si l'on voulait ensuite un grand récit, l'anneau devait tout de suite prendre une majuscule. Et le Seigneur ténébreux, avec un grand T, apparaîtrait immédiatement. C'est ce qu'il a fait de son propre chef, dans l'âtre de cul-de-sac, dès que j'en suis arrivé à ce point du récit. La quête centrale a donc commencé tout de suite. Mais j'ai rencontré en chemin de nombreuses choses qui m'ont étonné. Après avoir mentionné le nécromancien du Hobbit, qui devient Sauron, le seigneur ténébreux, le seigneur des anneaux dans le roman du même nom, Tolkien évoque des personnages et des lieux importants découverts au fil du récit. Tom Bombadil, qui incarne l'esprit du monde rural, Aragorn, le prince en exil qui porte ici un nom d'emprunt, celui de Grand Pas, la Lothlorienne, où réside Galadriel, Fangorn, également connu sous le nom de Silvebarbe, les royaumes du Gondor et du Rohan, les mages Gandalf et Saruman, enfin Gollum et Sam, les compagnons de Frodo dans la dernière partie du roman. Tom Bombadil, je le connaissais déjà, mais je n'étais jamais allé à Brie. Voir Grand-Pas assis dans son coin à l'auberge a été un choc et je n'avais pas plus d'idées que Frodo sur son identité. Les mines de la Moria n'avaient été jusqu'alors qu'un nom et au sujet de la Lothlorienne, rien n'était parvenu à mes oreilles de mortel jusqu'à ce que je m'y rende. Au loin, je savais que vivaient les seigneurs des chevaux aux confins d'un ancien royaume des hommes, mais la forêt de Fangorm a été une aventure totalement imprévue. Je n'avais jamais entendu parler de la maison d'Eorl ni des intendants du Gondor, et plus troublant encore, Saruman ne m'avait jamais été révélé. Et j'ai été tout aussi perplexe que Frodo lorsque Gandalf a manqué son rendez-vous du 22 septembre. Les Palantiri m'étaient inconnus, même si au moment où la pierre d'Hortanque a été jetée de la fenêtre, je l'ai reconnue. Et j'ai compris le sens de la chanson de la tradition qui trottait dans mon esprit. Cette étoile et cette pierre et un arbre blanc. Ces vers et ces noms ont tendance à surgir d'un coup. Mais ils ne s'expliquent pas toujours. En revanche, je connaissais plus ou moins tout du rôle de Gollum et de Sam. Et je savais que le chemin était gardé par une araignée. Ashnazg dur batulu. Ashnazg ging batul. La vieille grosse araignée file dans un arbre. La vieille grosse araignée ne me voit pas. Atterkop, Atterkop, ne veux-tu pas arrêter? Arrêter ton filage pour me chercher? La vieille nigaude, toute grosse, la vieille nigaude ne peut m'apercevoir. Le Touréa. Atterkop, Atterkop, laisse-toi tomber. Jamais tu ne m'attraperas là-haut dans ton arbre. Lob, la môme, et Cob, la folle. 10 d'étoiles pour mon tortue. L'eau, mais... Ah non. Je suis bien plus frais que tout autre mets. Mais elles ne peuvent tout de même pas me trouver. Je suis ici, méchante, petite mouche. Vous êtes grosse et molle. Vous ne pouvez pas me piéger, malgré vos efforts, dans vos stupides toiles. Le Seigneur des Anneaux représente une synthèse et une forme d'aboutissement de l'entreprise romanesque, poétique et linguistique entamée 35 ans plus tôt. Il raconte la fin d'une époque et l'avènement de l'histoire des hommes. Lettre à Milton Waldman, 1951. La suite du Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, de loin le plus vaste et j'espère également en proportion le meilleur de l'ensemble du cycle, met un terme à toute l'histoire. Et une tentative est faite d'y inclure et d'y entremêler tous les éléments et thèmes de ce qui a précédé. Les elfes, les nains, les rois des hommes, les héroïques cavaliers homériques, les orques et les démons, les terreurs des serviteurs de l'anneau et de la nécromancie, et la vaste horreur du trône ténébreux. Le style même est censé inclure le registre familier, populaire, des hobbits, et la poésie et la prose la plus relevée. Nous assisterons à la défaite de la dernière incarnation du mal, à la destruction de l'anneau, au départ définitif des elfes et au retour glorieux du roi véritable qui prend la tête de la domination des hommes, héritant de tout ce qui peut être transmis du royaume des elfes par son noble mariage avec Arwen, la fille d'Elrond. Mais de même que les récits des âges précédents sont faits du point de vue des elfes, pour ainsi dire, ce dernier grand récit, descendant des mythes et des légendes vers la terre, l'est principalement du point de vue des hobbits. Il devient ainsi, de fait, anthropocentrique. Mais à travers les yeux des hobbits, non des hommes à proprement parler, car ce dernier récit est censé illustrer très clairement un thème récurrent, le rôle joué dans la politique mondiale par les actes de volontés imprévus et imprévisibles et vertueux, accomplis par ceux qui sont apparemment petits, ordinaires, oubliés des sphères des sages et des grands. Une morale évidente de l'ensemble de ce récit, après le symbolisme premier de l'anneau comme désir du pouvoir absolu, est la suivante. Que sans le sublime et le noble, le simple et le commun sont totalement médiocres. Et que sans le simple et l'ordinaire, le noble et l'héroïque n'ont aucun sens. Le décor du Seigneur des Anneaux est donc inventé au fil de l'écriture par un auteur qui se présente comme un historien du temps passé. La terre du milieu est en effet notre terre, à une époque reculée, comme le sous-entend le prologue du roman. Les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils demeurent encore, le nord-ouest de l'ancien monde, à l'est de la mer. Lettre à Ron Haber, 14 octobre 1958. S'il s'agissait d'histoire, avec un grand H, il serait difficile de faire concorder cette géographie et ces événements ou culture, avec les informations archéologiques ou géologiques que nous possédons au sujet de la région la plus proche ou la plus éloignée de ce qui s'appelle désormais l'Europe. J'aurais pu faire coïncider les choses avec davantage de vraisemblance si cette histoire ne s'était pas retrouvée beaucoup trop développée, avant même que cette question ne me vienne à l'esprit. Mais je ne suis pas sûr qu'elle y aurait beaucoup gagné. Et j'espère que la distance, manifestement importante mais indéfinie, qui sépare la chute du Baradour des jours actuels, est suffisante pour permettre une vraisemblance littéraire, même pour les lecteurs au fait de ce que l'on sait ou devine de la préhistoire. J'ai construit, je le crois, une époque imaginaire. Mais quant au lieu, j'ai gardé les pieds sur ma propre terre maternelle. Je préfère cela à la mode moderne qui consiste à rechercher des planètes lointaines dans l'espace, quoique curieuses, elles nous sont étrangères et l'on ne peut les aimer avec l'amour de ceux dont nous partageons le sang. La Terre du milieu n'est pas de ma propre invention, c'est une modernisation ou une altération d'un terme ancien désignant le monde habité par les hommes, oikoumene, milieu, parce qu'elle est vaguement figurée comme placée entre les mers encerclantes et dans l'imagination du Nord, entre la glace au nord et le feu au sud. De nombreuses critiques semblent croire que la Terre du milieu est une autre planète. Si la Terre du milieu est notre Terre, faut-il voir Le Seigneur des Anneaux publié 10 ans après la Seconde Guerre mondiale comme une allégorie où l'anneau représenterait la bombe atomique, où Sauron serait Staline ou bien Hitler? Aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd'hui, Tolkien sera obligé de s'expliquer à plusieurs reprises sur ce point. Dans cette lettre, datée de 1951, il se défend d'avoir écrit avec Le Seigneur des Anneaux, qui paraîtra 4 ans plus tard, un roman allégorique. Il formule ici des observations que l'on retrouvera dans l'avant-propos de la seconde édition du roman, où il s'élèvera contre les raccourcis de certains de ses premiers lecteurs. Plus généralement, Tolkien a toujours insisté sur la grande liberté d'interprétation, réfutant l'idée qu'il aurait caché un message dans Le Seigneur des Anneaux. Lettre à Milton Waldman, 1951. Je n'aime pas l'allégorie consciente et délibérée. Mais toute tentative pour expliquer la portée du mythe ou du conte de fées doit recourir au langage allégorique. Et bien entendu, plus une histoire a de vie, plus elle se prêtera à des interprétations allégoriques. De toute façon, tout ceci se rapporte essentiellement à la chute, la mortalité et la machine, ou la magie. De nos formes modernes, la machine est la plus évidente, bien qu'elle soit plus étroitement apparentée à la magie qu'on ne l'admet, généralement. Dans son analyse publiée dans les mêmes années que Le Seigneur des Anneaux, Tolkien souligne le caractère héroïque de Gauvin, pris dans un dilemme de morale dont il ne peut se sortir, entre son désir d'accomplir son devoir pour la communauté et le roi, et le souhait de sauver sa propre vie. La quête, en tant qu'élément du plan du monde, était destinée à l'échec. Elle était également destinée à s'achever par un désastre, en tant qu'histoire de l'évolution de l'humble Frodo vers le noble. Comment dire, sa sanctification. Elle devait échouer, et elle a échoué, pour autant que le considère le seul Frodo. Il a apostasié. Et j'ai reçu une lettre féroce où l'on s'écriait qu'il aurait dû être exécuté comme traître, et non honoré. Mais croyez-moi, ce n'est pas avant d'avoir lu cette lettre que j'ai personnellement pris conscience à quel point cette situation pouvait paraître d'actualité. Elle est née de manière naturelle, de l'intrigue, que j'ai conçu dans ses grandes lignes en 1936. Et je n'avais pas prévu qu'avant l'apparition de ce récit, nous entrerions dans un âge sombre dans lequel la technique de torture et d'altération de la personnalité viendrait rivaliser avec celle du Mordor et de l'Anneau, et nous confronterait au problème concret de voir des hommes honnêtes, aux intentions bonnes, être brisés et devenir des apostats et des traîtres. Ces discussions amènent à réfléchir à la dimension politique du Seigneur des Anneaux. En réponse à une remarque de Oden, qui citait Mimesis d'Erich Auerbach sur l'absence de dimension politique des romans de chevalerie, Tolkien commente ici le contraste entre deux personnages de Gondor. L'intendant Denethor, dépositaire du pouvoir en l'absence d'un roi, et son fils Faramir, qui s'oppose à ses décisions. Lettre à Oden, 1956. Je désapprouve l'emploi du terme « politique » dans un tel contexte. Il est faux, à mes yeux. Il me paraît clair que le devoir de Frodo était humain, non politique. Bien sûr, il pensait en priorité à la comté, où se trouvaient ses racines, mais la quête avait comme objet non de préserver tel ou tel régime politique, comme celui de la comté, semi-républicain, semi-aristocratique, mais de libérer d'une funeste tyrannie tous les humains, y compris ceux comme les Orientaux et les Aradrim, qui étaient alors des esclaves du tyran. Denethor, lui, était corrompu par la pure politique, d'où son échec et sa défiance envers Faramir. C'était devenu pour lui une motivation essentielle de préserver le régime politique du Gondor, tel qu'il était, contre un autre potentat qui s'était rendu plus fort et devait être craint et combattu pour cette raison-là, plutôt que parce qu'il était sans pitié et malfaisant. Denethor méprisait les hommes de conditions moindres, et l'on peut être sûr que, s'il ne faisait pas de différence entre les orques et les hommes alliés du Mordor, s'il avait survécu et triomphé, même sans utiliser l'anneau, il se serait retrouvé bien près de devenir lui-même un tyran. Et les conditions accordées aux peuples de l'Est et du Sud, qui avaient été abusés, auraient été cruelles et vengeurs. La question sous-jacente est celle du supposé manichéisme du Seigneur des Anneaux. Roman marqué par une polarité entre le bien et le mal, qui sont pour Tolkien des points de repère permettant aux personnages d'agir selon leur libre arbitre. Loin de les opposer, le roman montre des personnages passant de l'un à l'autre, des deux pôles, et parcourant tous les degrés. Dans mon histoire, je ne parle pas du mal absolu. Je ne crois pas qu'il existe une telle chose puisqu'elle équivaut au zéro. Je ne crois pas, en tout cas, qu'aucun être rationnel soit totalement malfaisant. Satan a chuté. Dans ma mythologie, Morgoth a chuté avant la création du monde physique. Dans mon histoire, Sauron représente ce qui s'approche aussi près que possible de la volonté totalement malfaisante. Il a suivi le chemin de tous les tyrans, commençant bien, du moins dans le sens que tout en souhaitant ordonner toute chose en fonction de son propre jugement, il prenait encore en compte au début le bien-être économique des autres habitants de la Terre. Mais il est allé plus loin que les tyrans humains dans son orgueil et son désir de domination, étant à l'origine un esprit immortel. Dans Le Seigneur des Anneaux, le conflit ne concerne pas foncièrement la liberté, bien que naturellement elle soit en jeu. Il concerne Dieu et son droit unique à la vénération divine. Les Eldar et les Numenoréens croyaient en l'unique, le Dieu véritable, et considéraient que tout culte rendu à une autre personne était une abomination. Sauron souhaitait être un dieu roi, et était vu comme tel par ses serviteurs. On laissera à Tolkien le soin de proposer son interprétation, qui met l'accent sur la dimension existentielle du Seigneur des Anneaux, lointain héritier de Beowulf par la réflexion qu'il propose sur le destin de chaque individu. La mort apparaît en définitive comme un cadeau fait aux humains, l'immortalité comme un fardeau pour les elfes. Lettre à Johanna de Bortadano, avril 1956. Je ne pense pas que le pouvoir, ou la domination, soit le véritable centre de mon histoire. Cela fournit le thème de la guerre, d'une chose suffisamment sombre et menaçante pour paraître d'une importance extrême à cette époque. Mais il s'agit avant tout d'un cadre permettant aux personnages de se révéler. Le véritable thème pour moi est lié à quelque chose de beaucoup plus intemporel et difficile. La mort et l'immortalité. Le mystère de l'amour du monde dans le cœur d'un peuple condamné à le quitter et à le perdre, apparemment, et d'un autre côté, l'angoisse dans le cœur d'un peuple condamné à ne pas le quitter, tant que toute son histoire engendrée par le mal ne sera pas achevée. C'était Page arrachée à la correspondance de Tolkien, en direct du studio 110. Texte choisi et présenté par Vincent Ferré. Lu par Jérôme Kircher et Odile Grosset-Grange. Et les voix de Samuel, Paul et Anna. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Pierre-Henri, Lise-Marie Barré et Jacques Taroni. La correspondance de Tolkien est parue aux éditions Bourgois dans une traduction de Delphine Martin et Vincent Ferré.